salut les 60, bienvenue sur Radio Guimauzo. L'époque yéyé, c'est l'histoire des chanteurs, chanteuses et groupes qui se sont fait connaître en France pendant les années 60. Ils furent à l'origine d'un phénomène social bien avant l'explosion de Liverpool et l'avènement des Beatles. Roy Orbison, les Four Seasons et Petula Clark et Chariot font partie de cette merveilleuse époque, à l'âge d'or des yéyés. Come on. Move it nice and easy. Girl, Rock'n Twist, la musique des 60s sur Radio Gamozo. Can't be my lovin', baby, you ain't got the style. I'm gonna get some real gone love that'll drive a cool cat wild. Gonna move, roll and ride on down. Gonna get me a gal that'll go out on the town. Well, you gotta move on down the line. I'm gonna get me a gal that'll make some time. Can't be squat, can't be slow, cause when you start strutting, gotta go, go, go. Show you ain't so hot. I'm gonna get what you ain't got. She'll be sweet, won't do me wrong. She'll be cool and twice as gone. You gotta roll, move it right on down. Gonna get me a gal that'll go out on the town. Well, you gotta move on down the line. Gonna get me a gal that'll make some time. She can't be quiet, she can't be slow, cause when she starts strutting, gotta go, go, go. Roy Orbison, Go Go Go, un morceau que son copain Buddy Holly lui piquera et inscrira à son répertoire sous le titre Down the Line. Vous avez décidé de rester en notre compagnie, merci de votre choix. Au sommaire de Salut les 60, adaptation contre version originale, nos trois matchs. Nous évoquerons le hit parade, et ça sera celui d'avril 1964. Et les champions qui ont débuté en tant que groupe vocal ont terminé leur carrière en version instrumentale. Les champions seront aujourd'hui les invités du coin du spécialiste. Ceci étant dit, je vous souhaite un excellent après-midi sur Radio Gamozo. Notez au passage que toutes les versions instrumentales que vous allez entendre cet après-midi sont interprétées par les champions. Soixante-cinq. À Los Angeles, émeute raciale sanglante dans les ghettos de Watts et Newton. À Paris, la faculté des sciences remplace l'ancienne halle au vin avec la bénédiction de Pompidou. Le designer, Héro Arnaud, fait des bulles, chaises. Et Hella, la tigresse du jazz, Scatamore, est saut met un tigre dans son moteur. Le couteau électrique fait fureur au salon des arts ménagers. L'art inspire Yves Saint Laurent qui invente la robe Mondrian. À la télévision, le différé est utilisé pour la première fois grâce au magnétoscope. Et Sean Connery fait mouche au box-office dans Goldfinger. À Saigon, un attentat a lieu contre l'ambassade américaine. Ils aident des marins. Le magazine Elle consacre le mannequin Jim Shrimpton. Cœur de marin, au grand vent se burit. La Peugeot 204 taille la route. Et la préparation mousseline dispense les ménagères de corvée plus. Adieu chagrin. Si les surfs sont un peu nos platters, les missiles, quatre garçons rapatriés d'Oran et installés à Saint-Raphaël, se veulent une réplique française des Beatles. Leur style, qui emprunte folk américain et aux groupes vocaux style Beach Boy et Beatles, étonne. Ils gagnent cependant la partie avec Sacré Dollar, qui sera leur premier disque. Ce petit bout de papier qui peut tout acheter, je vois faire autour de moi n'importe quoi pour toucher quelques billets. C'est vrai, tout le monde se battrait. Oui, c'est fou ce qu'on fait pour t'avoir. Sacré dollar, ça me fait rigoler. J'aime mieux chanter avec ma guitare. Tant pis pour ce sacré dollar. Eh oui, tant pis pour ce sacré dollar. Elle m'avait promis de m'aimer, même à moitié fauchée. Mais d'autres avaient ce que moi, moi je n'ai pas. Et cambriole la monnaie, c'est vrai. L'amour doit faire ses paquets. Oui, c'est fou ce qu'on fait pour t'avoir. Sacré dollar, ça me fait rigoler. J'aime mieux chanter avec ma guitare. Tant pis pour ce sacré dollar. Eh oui, tant pis pour ce sacré dollar. Pour moi, le seul vrai bonheur

Together, baby, we should go far. A girl like you, a boy like me. Two hearts together like they ought to be. Can't believe I got a girl like you. Can come to a lonely heart. I'm a boy and you're a girl. I guess that's a pretty good start. Here am I, there you are. Together, baby, we should go far. A girl like you, a boy like me. Two hearts together like they ought to be. Can't believe I got a girl like you. Got a girl like you. Got a girl like you. He may send you flowers, baby, from Paris and have sweet things to say, but I can give you love, sweet, sweet love. Now ain't that just a little bit better? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. He'll take you to nightclubs in a shiny limousine, buy you furs and diamond bracelets, make you look just like a queen. But I can give you love, sweet, sweet love. Now ain't that just a little bit better? Oh, oh. Was a smash. Irène des Pays-Bas épouse Hugo de Bourbon-Parme à Rome. La famille de la princesse n'assiste pas à la noce. Irène s'étant convertie au catholicisme. Le 17 avril sera jour de deuil pour les rockeurs du monde entier. En ce quatrième anniversaire de la mort du regretté Eddie Cochran, nous sommes donc en avril 1964 et les Gams en tournée dans toute la France en compagnie de Claude de François et du Petit Prince classent à la 32e place du hit parade de l'époque. La soirée est finie. La soirée est finie. Je veux encore danser. Et l'on va sur la droite, gauche, droite, ton corps tout près du mien. On est si bien. Et on va sur la droite, gauche, droite, et surtout ne dis rien. Avril 1964, John Lennon publie son premier livre tandis que le groupe achève le tournage de son premier film Hard as Night. Et Daniel Gérard, pendant ce temps, lui, il inscrit sur le bois de sa guitare Memphis, Tennessee, titre qu'il classe à la 23e place du hit parade. Quand il est arrivé avec sa guitare à la main, chacun d'entre nous voulait devenir son copain. Tout de lui, mais il y avait écrit sur le bois de sa guitare Memphis, Tennessee. Sans chercher plus loin, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Par toute la bande alors, il fut tout de suite adopté. Quand parfois l'un d'entre nous avait quelques ennuis, ensemble on allait le dire à Memphis, Tennessee. Alors il chantait doucement en fermant les yeux. Plus rien ne comptait, on ne pouvait pas être mieux. Quand je joue sur ma guitare les airs qu'il m'a appris, un écho dans ma mémoire dit Memphis, Tennessee. Semblait se figer. Alors il chantait sans fin d'étranges mélopées. Toujours un mot revenait, c'était Mississippi. On comprenait qu'on le perdrait, Memphis, Tennessee. Quand il est parti, tous on a cru perdre un ami. Et souvent le soir tous ensemble on parle de lui. Et même si l'on croit voir des larmes aux yeux des filles, on ne peut pas en vouloir à Memphis, Tennessee. Chez Vogue en avril 1964, Françoise Hardy est la star numéro 1 et pour lui faire honneur en ce début d'année 64, Vogue édite un 45 tours avec 4 de ses succès interprétés en anglais, sur lequel se figure notamment l'original Catch a Falling Star, un titre qui connaît un joli succès dans notre pays et rentre à la 19e place du hit parade. Bucket full of starlight, catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. For when your troubles start to multiply and they just might, it's easy to forget them without trying. With just a bucket full of starlight, catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away. Catch a falling star and put it in your pocket. Save it for a rainy day. 164. Les Beatles sortent Quatre garçons dans le vent. Robert Stack incarne les incorruptibles. À Chypre, les casques bleus interviennent. Les cendres de Jean Moulin, le héros de la résistance, sont transférées au Panthéon. Joseph Losey étudie les rapports maître-esclave dans The Servant. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants. Schweppes pétille et le téléphérique le plus rapide d'Europe est inauguré à Argentière, au Grand Montet. C'était pas des amis. Mobile se paye un nouveau logo. Les surfs apparaissent. Le scotch invisible également. La star Matador, El Cordobès, est encore née. Vous permettez, monsieur. Docteur Folamour de Stanley Kubrick est adulé. Et bien qu'il me sourie. Et Nehru, le premier ministre indien, est pleuré. Chaque jour c'est la même chose. Oh, oh. Chaque jour c'est la même chose. Je fais la grasse matinée, je mets ma chemise. Il est 11e, Claude François, chaque jour, c'est la même chose. Claude Ciary, qui a quitté les champions, enregistre en solo des disques et accompagne sur scène Dick Rivers. Dick Rivers qui classe Rien que toi à la 7e place du hit parade d'avril 1964. Rien que toi. Michel, qui est définitivement accompagné par les fantômes, présente la série Les Rois du Rock. Johnny Hallyday est parti effectuer son service militaire et, excuse-moi, partenaire, son tout dernier titre conserve la 2e place du hit-parade d'avril 1964. De venir à toi, c'est avec ma fille que tu danses là. Et excuse-moi, partenaire, de paraître froid, mais tu sais, on s'est disputés tous les deux. Son cœur disait c'est fini. Ses pleurs ont suivi. Oui, suivi. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi. Excuse-moi, partenaire, de parler comme ça. Ces quelques pleurs me sont chères. Mais tu peux dire, en regardant ses yeux, qu'elle ne pensait pas à tout ça. Et de la revoir, remet l'espoir. Cette fille, entre mes bras. Excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi. Mais oui, ailleurs il te faudra chercher, il te faudra chercher quelqu'un d'autre pour danser. Car cette jolie fille-là redanse avec moi. De t'interrompre ainsi. F L A S H B A C K flashback. We'll be right back. Now you don't know what you're doing to me. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, woo! Tootie Fruity, hey, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity, oh Rudy. Oh, wop, bop, loo, mop, blop, bam, boom. Little Richard, Tootie Fruity. Après le son rock'n'roll, eh bien, Radio Gamozo vous offre une petite gâterie, messieurs et mesdames. Les sucettes de France Gall, des paroles pleines de sous-entendus et osées pour l'époque. Et des paroles d'ailleurs signées Serge Gainsbourg, des paroles à déguster, allez, sans modération. Est indispensable pour les bébés. Merci, Timothée. Pour les bébés. Mais oui, pour les bébés. Pour les bébés, car l'eau des viands est très pure. Et très légère, légère, légère. Alors, conseil de marmotte, allez vivre à la montagne. Ou buvez beaucoup d'eau des viands. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Tous les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Oui, gazelle, viens ma gazelle, le lion est mort ce soir. Wimboué, wimboué, oh wimboué, oui, oh wimboué. Radio, Play Brancher avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. Vous verrez ce jour-là quand le vent tombera, quand la brise n'aura plus de voix. Un grand calme se fera comme avant un ouragan, le jour où le bateau viendra. Et les vagues danseront avec les navires, et tout le sable s'envolera. Et vous entendrez l'océan chanter le jour où le bateau viendra. Les poissons seront fiers de nager sur la terre, et les oiseaux auront le sourire. Sur le sable, les rochers seront heureux, croyez-moi, le jour où le bateau viendra. Ce que l'on disait pour égarer les marins ne voudra plus rien dire, non plus rien. Et les grandes marées seront déchaînées le jour où le bateau viendra. Vous attendez ce jour-là, un cantique se lever par-dessus la grande voile nettoyée. Le soleil éclairera des visages sur le pont le jour où le bateau viendra. Le sable fera un tapis doré pour reposer nos pieds fatigués. Et tous les vieux marins s'écrieront enfin le jour où le bateau viendra. Vous verrez ce jour-là au lever du soleil, aux ennemis le sommeil. Ils se pinceront pour y croire, ils verront bien qu'il est là le jour où le bateau viendra. Ils tendront leurs mains, ils seront soumis, le géant Goliath, le plus petit. Et ils se noieront comme les pharaons le jour où le bateau viendra. Gaufret, le jour où le bateau viendra, adaptation contre version originale. Allez, voici le moment pour vous de faire votre deuxième choix. Voici votre deuxième match. Avance, n'aboutisse pas. Eddie Mitchell, si tu penses, après l'adaptation, la version original, Little Town Flirt, un titre interprété par Del Shannon, une version certainement moins connue que celle de Monsieur Eddie Mitchell. Gérard, c'est roquement bon. Paul, John et Ringo, les Beatles, From Me to You. Des bises de moi pour toi, pourquoi pas. C'est sous ce titre que Claude François l'adaptera et l'inscrira à son répertoire. Oui, vous êtes resté en notre compagnie, eh bien c'est un excellent choix. Chez la Bang Bang, le 45 tours sort fin 1966. Le film dont Sheila est la vedette principale ne sortira, lui, que le 15 février 1967. Une page de pub signée Jacques Dutronc. On se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Je suis l'homme qui chante et qui danse, celui qui fait pchit et boum boum. Je suis le seul dans toute la France à posséder un super zoom. Je suis le modèle géant qui est garanti pour longtemps, qui ne s'use que si l'on s'en sert, instantané comme le désert. La jouvence de vos sourires, je roule et roule pour vous. Je suis cactus de Pompidou. Je suis vif comme une tornade blanche, l'ami sincère de vos nuits blanches, celui de vos jours les plus beaux. L'échelle que j'aime, c'est l'escalade. de voir mon magasin. Chez moi le parking est tout près. Je n'ai vraiment qu'un seul regret, de ne pas être universel à l'école des demoiselles. Vous venez de nous rejoindre sur Radio Guémozo. Allez, merci de votre choix. Dans quelques minutes, les champions, en tant que groupe vocal, seront les invités de notre coin du spécialiste. Une rubrique que nous retrouvons juste après les 7 heures. Sweet for my sweet. Sweet for my sweet, sugar for my honey. Bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Guémozo. C'est en décembre 1961 que Jean-Claude Chan, Alain, Claude, Willy Benoît, Les Champions, une formation rock parmi tant d'autres, sortent leur premier 45 tours. Un disque qui comprend pas moins de 3 rocks déchaînés. Sa grande passion, le rock du bagne et dynamite. Dès lors, la formation est sur la brèche en permanence. Pour Les Champions, c'est le début de la gloire et en février 1962, sort le deuxième 45 tours des champions, le dernier avec Willie Lewis, le batteur. Bye bye mon amour, on sera le titre vedette. Et pendant toute la première partie de leur carrière, les champions d'ailleurs seront handicapés par la présence au sein de la marque Bel Air des pirates qui bénéficiaient de plus de publicité. À partir du troisième 45 tours, Willie Lewis est remplacé par un batteur originaire d'Oran, Yvan Oisena. De son côté, Willie Lewis initie parallèlement les champions à une formule instrumentale. Début 63, Jean-Claude Chan, le chanteur, lui, quitte le groupe. Désormais, la vedette des champions sera Claude Ciary avec sa Gibson. Pour le groupe, une deuxième carrière démarre qui se traduit par la sortie de 3 45 tours instrumentaux. Début 64, Claude Ciary quitte les champions et en septembre 64, eh bien, la fin des vacances marque aussi celle des champions avec le départ de Alain Santamaria à l'armée. Ainsi se terminait de façon un peu triste l'histoire d'un groupe clé du rock français. De la prison, on va jouer pour le départ de ce vieux Jim. La 40 ans qu'il est bouclé, que nom de nom, 40 ans qu'il est gardien, sur Jim, quel rock! Oh oh oh, quel rock! Ça va bouffer, ça saute comme du champagne, et rock, c'est rock du bagne. Arthur attaque la trompette et donne le ton. Jimmy sur sa vieille clarinette fait des prouesses. Bob, le chouchou du directeur, est au piston. Sam, le banquier, fait sauter la caisse, quel rock! On aura vu tout ça. Ça réunit de partout, c'est formidable les gars. Jim s'en donne vraiment à cœur et joie. Car c'est demain qu'il nous quittera. Oh, quel rock. Oh, oh, quel rock. Ça a bouffé, ça saute comme du champagne. Dans la grande cour de la prison, on va jouer pour le départ de ce vieux Jim. La 40 ans qu'il est bouclé, crénom de nom, 40 ans qu'il est gardien, si et si, oh, quel rock. Que nous n'avons pas trouvé ce que l'amour n'avait nous apporté. Nous avons fait de notre mieux, et loin du cœur et loin des yeux, restons amis et disons-nous adieu. Adieu, bye bye, mon amour, pour toujours, puisqu'il est dit qu'il faut nous séparer. Bye bye pour la vie. C'était écrit, c'est fini avant de commencer. Pour nous, on s'est trompé et voilà tout. Et nous n'aurons jamais le même toit. Il nous reste un beau souvenir. Et puisqu'il fallait en finir, restons amis et disons-nous adieu. Adieu, bye bye, mon amour, pour toujours, puisqu'il est dit qu'il faut nous séparer. bye bye pour la vie. C'était écrit, c'est fini avant de commencer. C'est fini avant de commencer. C'est fini avant de commencer. Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gamozo. Je l'ai connu là, là, en twistant le ya, ya, je lui ai dit mon petit chat, viens danser avec moi. Si mon cœur gémit, c'est qu'elle m'a quitté depuis. Depuis ce jour, j'entends sans fin. Mon cœur lourd comme un refrain. L'air du souvenir n'en finit plus de gémir. Je l'ai connu là, là, en twistant le ya, ya. Comprenez-vous pourquoi je reviens toujours là? J'attends son retour en espérant nuit et jour. Voilà pourquoi moi je m'ennuie, plus rien ne va. Mon cœur est blessé, je ne peux plus l'oublier. Je l'ai connu là, là, en twistant le ya, ya. Mon cœur est bien là, là, mais il attendra là. J'attends son retour, l'âme en peine et le cœur lourd. Petit Gonzalez, okay. Je t'en prie, reviens. Je ne peux pas. Petit Gonzalez, okay. Pourquoi t'entends vas-tu si loin? Parce que j'ai oui, surtout si tu reviens la nuit. Je vois déjà ton père et sa main te caresser le bas des reins. Écoute-moi, ne me dis pas non. Voici ton livre et tes crayons. N'en as-tu donc jamais pitié? Encore je ne peux plus crier. Oui, oui, oui, petit Gonzalez. Okay. Je t'en prie, reviens. Petit Gonzalez, okay. Pourquoi t'entends vas-tu si loin? Parce que j'ai rendez-vous avec la belle nana. j'aime, j'aime, lorsque tu es là, oh, j'aime, j'aime, j'aime t'avoir contre moi. J'aime, j'aime, j'aime, c'est si bon, crois-moi, avec toi. Quoi? J'aime, j'aime, j'aime rester près de toi, ouais. J'aime, j'aime, j'aime t'avoir dans mes bras. J'aime, j'aime, j'aime, c'est si bon, crois-moi, avec toi. Quoi, hein? Tout dehors, là, c'est sur le sable et au soleil. Dans le bleu du ciel, on voit mille merveilles. On est amoureux comme il n'est pas permis. En jetant, on s'aimera toute la vie. Oui, oui, oui, j'aime, j'aime, j'aime, ne le vois-tu pas, ouais. J'aime, j'aime, j'aime t'avoir près de moi. Oh, j'aime, j'aime, j'aime, avoue comme moi que tu aimes. Quoi? J'aime, j'aime, lorsque tu es là, ouais. J'aime, j'aime, j'aime rester près de toi. J'aime, j'aime, j'aime, c'est si bon, crois-moi, ah, ah, ah, avec toi. Baby, donne-moi ma chance. Garde-moi la prochaine danse. Oh, dansons. Oh, dansons. Dansons le twist, le slop ou bien le Madison. N'importe quel air que nous entendrons. Mais dansons. Dansons. Hey, baby, si tu es toute seule, ne reste pas là sur ton fauteuil. En dansant, dansons. Dansons le twist, le slop ou bien le Madison. N'importe quel air que nous entendrons. Mais dansons, dansons. Tu me plais beaucoup. Laisse-moi t'embrasser dans le cou. Dansons. Dansons. Dansons le twist, le slop ou bien le Madison. N'importe quel air que nous entendrons. Mais dansons. Dansons. Et baby, la nuit va finir, mais ce n'est pas le moment de dormir. Oh, dansons, dansons. Dansons le twist, le slop ou bien le Madison. N'importe quel air que nous entendrons. Mais dansons, dansons, dansons. Thank you.

Salut les 60, merci de nous avoir tenu compagnie cet après-midi. On se retrouve lundi prochain dès 15h pour une nouvelle émission et dimanche à partir de 10h pour la rediffusion de celle-ci. Excellente fin de journée, excellente semaine sur Radio Gemozo. Notez bien notre adresse internet radiogemozo.eu, le tout en minuscule et sans accent. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness and gracious, great balls of fire. I like the club, I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Goodness and gracious, great balls of fire. Kiss me, baby. Ooh, it feels good, huh? Hold me, baby. I'm supposed to love you like a lover should. You're fine, so kind. I wanna tell the world that you're mine, mine, mine, mine. I chew my nails and I twist all my buns. I'm real nervous, Lord, to show it is fun. Ooh, baby, you drive me crazy. Goodness and gracious, great balls of fire. Baby, I want to love you like a lover should. You're fine, so kind. I want to tell the world that you're mine, mine, mine, mine. I do my nickels and I twiddle my thumbs. Real nervous, thought it sure is fun. Ooh, baby, drives me crazy. Goodness gracious, great balls of fire.